Certains d'entre vous ont peut-être entendu que le 6 novembre dernier, le professeur Sylvain Moineau a reçu le prestigieux Prix du Québec Marie-Victorin 2019, décerné chaque année à une personne qui a mené, ou qui mène encore, une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie. Sylvain Moineau est un professeur au département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique à l'Université Laval. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bactériophages. Il est notamment bien connu dans le monde de la recherche pour avoir découvert le système de défense bactérien CRISPR-Cas, dont plusieurs d'entre vous avaient peut-être déjà entendu parler. C'est tout un honneur pour nous, à Futur Simple, d'accueillir aujourd'hui ce chercheur chevronné que le magazine Maclean's a inscrit en 2017 sur sa courte liste de chercheurs canadiens qui devraient obtenir un prix Nobel en médecine en raison des retombées de sa recherche. Ce n'est pas rien. Bonjour, M. Moineau. Bienvenue à l'émission. Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation. Merci également pour l'introduction. Remarquez que je pense que Maclean a peut-être pesé un peu fort sur le crayon, mais bon, on va prendre le compliment. Quand même, hein, c'est quand même assez bien. Tout d'abord, mes félicitations pour votre prix du Québec. Je sais que vous avez reçu de nombreuses distinctions tout au long de votre carrière, comme celui de la revue Maclean's, mais que signifie pour vous le prix Marie-Victorin? Enfin, on est évidemment très, très touché d'avoir reçu ce prix du Québec. Vous savez, recevoir les connaissances par ses pairs, par les gens du Québec, ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne table dans le dos. Mais aussi, c'est la reconnaissance du travail d'équipe. Hein. Il y a eu plusieurs étudiants qui sont passés dans le laboratoire, qui ont fait des travaux. Donc, c'est vraiment, là, ce prix-là, c'est pour tous ces gens-là qui ont participé aux travaux de recherche de l'équipe au cours des 20 dernières années. Oui, c'est quand même bien. Donc, c'est la reconnaissance par les pairs, d'abord et avant tout, qui touche. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, j'aime mentionner que le travail de recherche, ça se fait pas seul. Hein. Ça se fait en équipe. Donc, il y a des étudiants, il y a des chercheurs qui ont participé à ça. Donc, eux aussi, je pense qu'ils ont une grande part de ce prix-là. Le prix est pour tout le monde. Oui, tout à fait. Votre candidature a été retenue pour de nombreuses raisons, mais évidemment, la découverte du système de défense bactérien CRISPR-Cas a probablement fortement influencé votre nomination. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, expliquez-nous un peu brièvement, là, CRISPR-Cas, ouais. Si c'est possible. Oui, je vais essayer. En fait, vous me le direz si c'est compréhensible. Alors, en fait, il y a peut-être deux choses à préciser. Comme vous l'avez dit, d'abord, il y a le système CRISPR-Cas qu'on retrouve dans les bactéries. Et il y a la technologie CRISPR-Cas9 qui a été utilisée pour faire la modification de génome. Donc, je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant, mais on est entouré de virus. Les gens savent qu'on est déjà entouré de bactéries. Oui. Mais on est entouré encore plus de virus. Donc, les bactéries, ce sont des cellules, comme nous, on a des cellules humaines, les plantes sont des cellules également. Et ces cellules-là sont susceptibles à des infections par des virus, d'accord? Donc, les bactéries qui sont dans une soupe de virus doivent se défendre. Donc, ils ont plusieurs mécanismes de défense contre ces virus-là. Les virus que l'on appelle des bactériophages, qui veut dire manger des bactéries, en fait. Donc, les bactéries possèdent ces mécanismes-là. Et un de ces mécanismes-là, c'est le système CRISPR-Cas. D'accord. En fait, comment il fonctionne, c'est relativement simple. Lorsqu'une cellule va être infectée par un virus, dans la très grande majorité du temps, cette cellule-là va mourir parce que le virus va prendre contrôle de la cellule, va tuer la cellule. Il arrive à l'occasion certaines bactéries qui vont survivre à cette infection-là. Et comment elles survivent, ces bactéries-là? C'est qu'ils vont chercher une portion du génome du virus et vont l'introduire dans leur génome. Et en fait, non seulement dans leur génome, dans une petite région que l'on appelle maintenant la région CRISPR. Et à partir de ce moment-là, la cellule développe une certaine immunité, un peu comme des anticorps, là, ouais, qui va permettre à cette cellule-là de se défendre contre d'autres invasions subséquentes par des virus. Et c'est en étudiant ce mécanisme-là dans les bactéries qui étaient résistantes, on s'est aperçu que le système CRISPR-Cas coupait, en fait, se défendait en coupant l'ADN de manière très, très précise. Et à partir de ce moment-là, bon, évidemment, il y a plein d'équipes de recherche qui ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et il y a des chercheurs européens et américains qui ont pris des portions du système naturel qu'on retrouve chez les bactéries et qui en ont fait un outil qui est devenu CRISPR-Cas9 pour faire la modification génétique des génomes. OK. Donc, il faut bien comprendre que c'est semblable, mais c'est quand même deux choses différentes. C'est très différent. C'est le système CRISPR-Cas est un système naturel qu'on trouve dans les bactéries. Et la technologie CRISPR-Cas9, c'est vraiment un outil de recherche très puissant. Inspiré des bactéries. Inspiré des bactéries, tout à fait. Puis, oui. Comment vous avez découvert, finalement, ce système de défense? Ouais, très bonne question. Les gens sont probablement au courant qu'il existe des bonnes et des moins bonnes bactéries. Donc, les moins bonnes, évidemment, peuvent nous causer des infections. Mais on en a également des bonnes. Et on en a domestiqué quelques-unes qui nous servent, entre autres, à faire des produits fermentés. Si vous prenez un fromage, par exemple, vous prenez un yogourt, vous regardez les ingrédients, vous allez voir du lait et vous allez voir également culture bactérienne. Donc, il y a des bactéries qui sont naturellement présentes dans notre lait, c'est-à-dire qu'on va ajouter au lait et qui va fermenter le lait, qui va nous donner les délicieux produits qu'on va sûrement manger pendant les fêtes. Mmh. Alors, lorsqu'on fait ces fermentations laitières-là, il arrive à l'occasion qu'elles ne fonctionnent pas bien, parce que les phages, les virus, qui sont naturellement présents dans le lait, peuvent les tuer, ces bactéries-là. Okay. Donc, nous, on avait vraiment un intérêt pour développer ce qu'on appelle des bactéries résistantes à ces phages-là. Mm-hmm. Et c'est en faisant ça, en étudiant ces bactéries-là, en étudiant ces virus, qu'on a mis la main sur des cellules et des bactéries qui étaient résistantes, et on s'est mis à étudier davantage pour comprendre vraiment la recherche fondamentale, comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'avec des collaborateurs américains et français, on a découvert le système. Plus tard, au laboratoire à Québec, à Laval, à l'Université Laval, on a démontré que ça coupait l'ADN et ainsi de suite. Mais on étudiait vraiment à la base là, comment on pouvait fabriquer de meilleurs yogourts, comment on pouvait fabriquer de meilleurs fromages. Et puis bon, ben par hasard, là, on est un peu tombé sur le système CRISPR-Cas. C'est une belle histoire quand même, à partir de yogourts et de fromages. Oui, tout à fait. Et dire que peut-être qu'aujourd'hui, on va penser à traiter des gens, là. Il y a eu un saut quantique assez impressionnant. Mm-hmm, quand même. Ouais. Et est-ce que c'est votre équipe qui a été la première à identifier ce système chez les bactéries? En fait, le CRISPR est un acronyme qui désigne en fait une structure génétique là, qu'on retrouve dans des génomes de certaines bactéries. Et cette structure génétique-là, ça s'appelait pas CRISPR à l'époque, mais ça a été découvert la première fois en 1987 par une équipe japonaise qui avait, en faisant des études génomiques là, sur certaines bactéries, avait noté la présence d'un élément génétique inconnu. Et ils avaient publié un article scientifique, mais on ne savait pas à quoi s'en servait. Okay. Une quinzaine d'années plus tard, plus spécifiquement en 2005, là, des gens commençaient à se poser vraiment davantage de questions, même des hypothèses à savoir à quoi servait cet élément-là génétique. Là, il a commencé à avoir des hypothèses qui ont été émises. Une des nombreuses hypothèses était peut-être liée au fait que ça pouvait être un mécanisme de défense, mais il manquait une preuve. Et c'est là qu'en 2006, on a publié en 2007 avec nos collègues, où là, on a vraiment démontré la fonction du système CRISPR-Cas dans les bactéries, qui était vraiment un mécanisme de résistance contre les phages, contre les virus. Et en 2010, qui était un autre élément important pour l'équipe au laboratoire à l'Université Laval, c'est là où on a vraiment démontré que ça coupait l'ADN de manière très précise, que la protéine Cas9 était vraiment impliquée dans cette coupure-là. Et donc ça a été vraiment des éléments cruciaux là, qui ont mené aujourd'hui à la technologie CRISPR-Cas9. Donc on peut dire que votre équipe a été la première à amener les preuves. Avec des collaborateurs français, oui. Américains, tout à fait. On a vraiment jeté les bases de la technologie, mais bien sûr, il y a d'autres chercheurs qui ont utilisé des éléments qui ont été découverts pour en faire un outil vraiment puissant. Puis dès la publication de votre premier papier en 2007, vous avez reçu un accueil quand même incroyable des chercheurs, du public, des médias. Il y a eu des retombées internationales immédiates. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de retombées? Bien, il y en a probablement deux. D'abord, en 2007-2010, lorsqu'on s'est aperçu qu'on pouvait rendre des bactéries résistantes aux phages et de manière très naturelle, ce que je vous explique là, c'est naturel. Donc, quand une bactérie se défend contre un phage, elle se défend naturellement. Donc, il y a des gens qui ont tout de suite utilisé ou développé des bactéries qui étaient résistantes aux phages et qui ont été utilisées dans le domaine alimentaire parce que c'était un mécanisme naturel. Donc, on parle pas d'OGM, là, c'était vraiment un processus naturel. Donc, si vous mangez du yogourt, vous mangez une pizza, vous mangez du fromage, il y a des très bonnes chances que vous allez manger des bactéries qui ont ce système-là. Donc, ça a été une application vraiment, et ça démontre également que c'est pas très dangereux. Oui. Et évidemment, par la suite, c'est l'outil CRISPR-Cas9 qui a été développé. Et ça, c'est assez impressionnant parce que, voyez-vous, la technologie CRISPR-Cas9, elle a été publiée pour la première fois en 2012 par des chercheurs américains et européens. Donc, on parle de 2007, on parle de caractériser un système. En 2010, on démontre que ça coupe l'ADN. Mm-hmm. En 2012, la technologie est mise au point. Et dès le début de 2013, il y a des publications qui démontrent que on peut utiliser ça dans les cellules humaines, on peut utiliser ça dans des animaux, on peut utiliser ça sur des plantes. Donc, la technologie a été publiée au mois d'août 2012. Elle a été rapidement adoptée par une panoplie de laboratoires à travers le monde à cause de sa simplicité. Et donc, les gens l'ont... la technologie était démocratisée, utilisée à très grande efficacité. Et lorsqu'on a un outil de recherche comme ça qui fonctionne super bien, mais on pense par la suite à peut-être faire des applications médicales. Et vous, dans votre laboratoire, est-ce que vous l'utilisez, cet outil génétique, justement? Oui, en fait, on l'utilise régulièrement parce que c'est un outil qui nous permet de modifier un génome d'intérêt. Donc, maintenant, on peut séquencer le génome d'à peu près tous les organismes sur la planète, incluant le génome humain. Et lorsqu'on analyse ce génome-là, rapidement, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'éléments génétiques dans le génome, dans les divers génomes, qu'on ne connaît pas la fonction. On ne sait pas à quoi ça sert. Donc, on a un génome, mais il y a plein d'éléments inconnus. Et là, maintenant, on a un outil qui nous permet d'aller précisément dans un génome, couper, modifier, changer et voir l'impact de cette modification-là sur l'organisme, sur la cellule, sur l'organisme. Donc, c'est extrêmement puissant pour essayer de comprendre en recherche fondamentale comment fonctionne un génome dans une cellule. Donc, ou l'apport de cette protéine ou de ce gène-là dans une cellule. Évidemment, au niveau de la recherche fondamentale, c'est fantastique parce que là, on a depuis 5 ans des nouvelles découvertes qui sont faites parce que, justement, on comprend de mieux en mieux les cellules, on comprend de mieux en mieux comment les organismes fonctionnent grâce à la technologie. Monsieur Moineau, même si on parle d'un prix de carrière pour le prix Marie-Victorin, vous êtes encore tout jeune quand même. Alors, on fait quoi après avoir fait une telle découverte? Je suis pas sûr que je suis encore jeune, mais oui, en fait, on continue à travailler dans le domaine. En fait, nous, on est vraiment plus en amont, donc encore une fois, on travaille avec les bactéries, on étudie le système CRISPR-Cas dans ces micro-organismes-là. Alors, ce qui s'est produit, je vous disais tout à l'heure que des bactéries ont été utilisées, ont été développées en laboratoire, utilisées dans certaines productions. Mm-hmm. Je vous mentionnais également qu'il y avait des phages qui étaient présents dans notre environnement. Ouais. Et donc, imaginez-vous donc qu'à force d'utiliser ces bactéries-là qui possédaient un système CRISPR-Cas, il est apparu naturellement des phages, donc des virus, qui possédaient des protéines qui codent, qui bloquent le système CRISPR-Cas, qui bloque la coupure par Cas9. Donc, naturellement, les virus ont trouvé une façon de bloquer le système CRISPR-Cas. Alors, nous, ça nous intéresse de comprendre comment ces virus-là ont évolué. Et en fait, on est quasiment retourné là après 2007, parce qu'il faut trouver des nouvelles façons de rendre ces bactéries résistantes aux phages. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Puis, je le dis souvent, et je le pense vraiment, là, en microbiologie, il n'y a jamais eu un meilleur moment que présentement pour faire de la recherche, que ce soit en génomique, que ce soit en micro, en viro, dans le microbiome. On a des outils extrêmement puissants qui nous permettent de poser des belles questions scientifiques, Là, vous pensiez avoir réglé un problème, un autre apparaît, c'est pas un peu décourageant? Oh non, non. Non, en fait, c'est merveilleux, je vais avoir du travail jusqu'à la fin de ma carrière. c'est tellement beau la nature. On prend une bactérie, on la croit résistante à un virus, il y a de nouveaux virus qui apparaissent, la bactérie va évoluer, et ce qu'on commence à voir, la bactérie évolue, trouve des nouvelles façons de contrer ces phages-là. Vous pouvez être certaine que les phages vont trouver une autre façon. En fait, c'est une course un peu à l'armement. Une guerre, tout à fait, qui se produit naturellement en microbiologie, en fait, dans nos environnements. Donc, on continue à étudier ça. Et évidemment, là, je vous parle d'une application où on veut avoir des bactéries résistantes aux phages pour la fermentation, par exemple. Mais il y a aussi un autre domaine qui est en effervescence présentement, qui en fait, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait pas prendre ces phages-là et sélectionner celles qui attaquent des mauvaises bactéries? Donc là, on parle d'un tout autre domaine. C'est pas du tout les mêmes phages, mais qui vont attaquer d'autres bactéries. Cette fois-ci, des bactéries pathogènes. Ouais. Ce qu'on appelle la thérapie par les phages ou même le biocontrôle en utilisation des phages. Parce que les phages, ce sont vraiment les prédateurs naturels des bactéries. Donc, est-ce qu'on pourrait domestiquer ça et essayer de pouvoir les utiliser, par exemple, pour détruire des bactéries résistantes aux antibiotiques? Donc ça, c'est un autre volet qui est en effervescence dans le domaine des phages. Souvent, on dit à la blague que les phages peuvent être nos ennemis dans le domaine de la fermentation, mais peuvent être nos amis dans ce contexte-là, contexte plus médical ou de biocontrôle. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est un domaine qui est en effervescence. Ça a été étudié depuis presque 100 ans, la thérapie par les phages. Mais encore une fois, on a tellement d'outils puissants maintenant que peut-être qu'on pourrait être en mesure de domestiquer ça et d'en faire, tout à fait, et d'en faire peut-être éventuellement même des thérapies pour les gens. Oui, oui, vraiment intéressant. J'ai lu dans votre biographie que c'est le baseball qui vous aurait le mieux préparé à votre carrière de chercheur. Justement, le fait de ne pas vous décourager, de retourner sur la table de travail, vous avez appris ça grâce à ce sport-là, je pense. Vous avez fait de belles lectures, vous. Oui. Oui, effectivement. Bon, j'ai joué longtemps au baseball quand j'étais plus jeune. Puis c'est un sport que j'adore encore aujourd'hui. C'est sûr que le baseball m'a appris plein de choses parce que d'abord ça nous apprend la compétition, ça nous apprend à travailler fort, ça nous apprend même comment être un leader, oui. Ça nous apprend comment à être coaché par des gens, pour avoir des mentors. Ça nous prend aussi à bien gérer la défaite, mm-hmm. à bien gérer, parce qu'au baseball, souvent, on va se faire retirer régulièrement au bâton, comme ça m'arrivait à l'occasion. Et donc, comment gérer ça? Comment gérer la critique? Parce que dans notre domaine, on se fait régulièrement évaluer, que ce soit par nos étudiants, par nos pairs, nos articles scientifiques, nos demandes de subventions. Mm-hmm. Donc, tout cet élément-là, puis ça nous a appris à communiquer, d'être un bon coéquipier. En fait, il y a plein d'éléments qu'on trouve dans les sports en général, particulièrement au baseball, qui peuvent être transposés en recherche. Et puis ouais, ça m'a vraiment aidé parce que ça nous permet de recruter des personnes qui vont bien s'arrimer à l'équipe scientifique. Bref, ouais, il y a un peu tout ça là. Un beau parallèle. Et vous continuez toujours à jouer? Ouais, j'ai pris une pause pour mes études. Puis ouais, j'ai joué un petit peu. Puis après, bon, quand j'ai commencé ma carrière à l'Université Laval, j'ai arrêté. En fait, j'ai été entraîneur adjoint pour mes deux enfants, mes deux garçons pendant quelques années. Puis oui, vous avez raison, depuis deux, trois ans, j'ai recommencé là, au baseball à jouer avec des amis fantastiques là, la fin de semaine. Donc, c'est vraiment... Ça me tente de me garder un petit peu en forme. Ah, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Donc, on a la preuve ici qu'un chercheur, ça reste pas juste enfermé dans son laboratoire. Non, vraiment pas aujourd'hui, en fait, parce que les chercheurs d'aujourd'hui, on doit communiquer beaucoup, on doit faire d'autres... Ça prend une balance, hein? Oui. Puis avoir eu des enfants qui sont maintenant des jeunes adultes m'ont gardé très occupé de par leurs activités sportives ou musicales. Donc, on fait autre chose que de la recherche. Parce que c'est encore un peu une idée préconçue que les gens ont, là. Le chercheur n'a pas le temps de faire d'autres choses que de chercher. Ah, on travaille, effectivement, on travaille fort, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Puis il y a des périodes dans l'année qui sont très difficiles. On travaille, des fois je dis à la blague, on travaille 13 mois par année, là, mais c'est pas tout à fait ça, mais on travaille fort, ouais. On travaille fort, mais ça se fait quand même dans un environnement qui est fantastique. Je suis très choyé, vous savez, à l'Université Laval, dans mon département, en biochimie, microbiologie, bioinformatique, j'ai des collègues fantastiques. J'ai une équipe de recherche aussi qui est très, très, très agréable de travailler avec. Donc, ça me garde jeune. Puis, c'est pour ça que j'en ai encore pour quelques années. Pour quelques années. Oui. Pour terminer, M. Moineau, de quoi vous êtes le plus fier depuis le début de votre carrière? Oh, absolument, sans aucune hésitation, c'est la formation des étudiants qui sont passés à travers mon équipe. Ouais. Ça fait plus d'une vingtaine d'années là, que je suis professeur-chercheur à l'Université Laval. Donc, plusieurs étudiants qui sont passés. Et de voir aujourd'hui que ces gens-là qui sont passés dans le laboratoire ont des belles carrières scientifiques un peu partout à travers le monde. Ils ont... eux aussi, leurs équipes de recherche, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau industriel ou même à l'université. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier. D'ailleurs, la semaine passée, on avait notre party de Noël d'équipe, donc l'équipe de recherche actuelle, mais on invite régulièrement des anciens du laboratoire qui viennent avec leurs enfants au party de Noël. En fait, on était une soixantaine là, samedi dernier pour le party. Donc ça me rend vraiment, vraiment fier. Là, tout l'esprit de famille qu'on a développé au fil du temps, qui sont certainement pas étranges au succès qu'on a eu là, au cours des dernières années. Vous partagez un peu toute cette découverte-là ensemble. Aucun doute. Bien, Monsieur Moineau, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets actuels et futurs. C'est vraiment inspirant de voir quelqu'un de passionné comme vous. Et puis, on vous réinvitera dans nos studios n'importe quand. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Puis, joyeuses fêtes à vous et à vos auditeurs. Bien, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que nous discutions avec Sylvain Moineau, chercheur à l'Université Laval, spécialiste des bactériophages et récipiendaire du prix du Québec Marie-Victorin 2019.